Christian, tout à l'heure, passez-moi pas au cash ce matin, là. Profitez-en pas. Benoît, il était pris d'urgence pour aller à Montréal. Ça fait qu'il dit, il m'a appelé, puis ça l'a, il dit, je pourrais pas commencer le culte. Il devrait être avec nous autres un peu plus tard. Jean-Claude est allé chercher Geneviève à l'aéroport. Son retour déjà de vacances. J'espère que Dieu a vraiment béni son voyage là-bas, auprès de Kirstine et, comment j'oublie tout le temps son nom? Julia. Puis Gilles, lui, ben Dieu lui a donné des vacances aussi. Fait que les assemblées d'été, ils sont disparates, hein? Ils sont pas toujours le même nom. La semaine passée, on était très nombreux, on a mis à asseoir tout le monde. Ici. T'es très nombreux, la semaine passée. Puis cette semaine, ben, on est moins nombreux. Mais on est là pour honorer le Seigneur. Ce matin, on est toujours dans la série des personnages de Colossiens, hein, ceux qui sont dans les salutations dans l'Épître, à la fin de l'Épître aux Colossiens. Vous en rappelez? À date, on a vu, j'ai oublié le premier, c'était Tychique, un gars Tychique. Le deuxième, c'était Onésime. Le troisième, Aristarque, je crois. Puis, on a eu Marc avec Jean-Claude. Ce matin, on va avoir Justus. Jésus appelé Justus. Jésus appelé Justus. Il n'y a à peu près rien dans les Écritures sur Justus. Fait que je vais être correct, ça va être fini dans 5 minutes. Bon, j'ai trouvé en enfer 6 pages, là, mais... Vous allez voir qu'il y a pas mal de stock autour de Justus. C'est surprenant quand on y réfléchit. Puis c'est pas pour rien qu'il était dans les Écritures. En tout cas, moi, j'ai découvert ça. C'était drôle parce qu'on a eu une discussion il y a 3-4 semaines au comité pastoral, puis Jean-Claude avait Justus. Puis il dit, moi, je ne sais pas quoi dire avec Justus, il n'y a rien dans les Écritures là-dessus. Ben, j'ai dit, moi, j'étais motivé à le prendre. Il me semble qu'il y a quelque chose, Dieu ne l'a pas mis là pour rien. Fait que c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Justus. Mais c'est un homme de Dieu, on va le voir tout à l'heure. Donc, quel est l'événement qui marque le monde actuellement, là? Ça arrive à tous les 4 ans, habituellement. Les Olympiques. Les Olympides, comme disait notre ami Sol. Ceux qui connaissent Sol, pas de Tarse. Notre Sol québécois, là. Il appelait ça les Olympides. Maintenant, l'expression m'a toujours resté dans la tête, puis je suis capable de m'en débarrasser. Aujourd'hui, je me trompe tout le temps. Au lieu de dire les Olympiques, je dis les Olympides. Puis, qu'est-ce qui caractérise les Olympiques, d'après vous? Qu'est-ce qui motive? Toi, tu dis la gloire? La compétition? Hein? Les médailles d'or? Vous le dites à peu près toutes, mais d'une manière... La recherche de l'honneur. Une médaille, ça veut rien dire si vous l'avez pas, s'il n'y a pas l'honneur qui vient avec. Je peux vous donner 10 000 ben, médailles d'or, là, je serais pas capable. Là. Mais en tout cas, des médailles dorées, je pourrais vous en donner plein, mais s'il n'y a pas l'honneur attaché à ça. Quand je vous avais dit qu'il reviendrait, Benoît. C'est la recherche de l'honneur qui motive les gens. Évidemment, il y a toutes sortes d'avantages financiers pour plusieurs là-dedans. Là. Puis pour d'autres, ben ça sera pas nécessairement un succès, l'honneur. Hein? Vous savez que en bas de la médaille d'or, c'est moins honorable. C'est bon, mais c'est moins honorable. Puis quand on les regarde faire, on se dit tellement pas de distinction entre la médaille d'or et la médaille d'argent. La plupart du temps, aujourd'hui, on a trouvé d'avoir des appareils de mesure très, très sophistiqués pour les distinguer. Ça se mesure souvent au millième de seconde. Quand c'est les secondes qui comptent. En d'autres, tantôt, c'est les distances. Bref, c'est la recherche de l'honneur. Et c'est très fort. C'est un fort à un point tel qu'il y a des gens qui, jusqu'au moment où les Olympiques se déroulent, ont consacré leur vie dès leur jeune âge. Et un régime de spartiate, pratiquement, pour participer à ces jeux-là et être aujourd'hui là et pouvoir participer à ces jeux-là et avoir la possibilité de mériter la couronne de laurier. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes capable de me citer des champions olympiques de il y a 4 ans? Ah, on se souvient de Phelps. N'as-tu d'autres? Il semble qu'il y en a plus que ça qu'on va gagner. Hein? Ah, moi, je l'ai oublié, celui-là. Si on monte à 2 Olympiques avant? 3 Olympiques. On va arrêter, on va s'en débarrasser de Phelps. Bref, on oublie bien beaucoup, beaucoup, beaucoup. On oublie beaucoup ceux qui gagnent. Hein? Comment on appelle ça, un honneur comme celle-là dans les Écritures? Non, c'est pas le terme que les Écritures donnent. C'est pas le mot éphémère. Tu as le droit de répondre en arrière, hein? Ah, OK. Les enfants, je vais vous poser des questions tout à l'heure. Commencez à écouter. Je vais aller vous chercher sur vos sièges. Oui, mais c'est pas tout à fait le nom que Dieu donne. Hein? C'est carrément relié à ceux qui participent dans le stade et qui participent pour une coupe. Run corruptible. Pourquoi corruptible? Parce que ça reste pas. Versus la couronne incorruptible. Vous êtes d'accord? Tous les honneurs que vous pouvez avoir sur la terre sont des couronnes corruptibles. Qui ne durent pas. Bon, c'est pas toujours corruptible, mais pas toujours dire que c'est associé à la corruption. C'est une couronne qui ne dure pas. Quand vous travaillez pour le Seigneur, est-ce que vous travaillez pour des couronnes corruptibles? On travaille pour une couronne incorruptible, c'est ce qu'on veut. Mais on oublie que c'est pour ça qu'on travaille. Mais on travaille pas juste pour ça, vous allez dire, c'est vrai. Mais on travaille aussi pour ça. Travaille pour que Dieu honore celui qui a persévéré jusqu'au bout. Dieu, c'est Jésus-Christ qui va le faire. Et c'est pas mal de penser comme ça. Ce qui est mal, c'est de penser à être honoré par les hommes à la place de Dieu. Vouloir travailler pour les hommes ou de craindre les hommes à la place de Dieu, ça c'est mal. Mais celui qui travaille pour que Dieu l'honore, et quand Dieu va t'honorer, il ne t'honorera pas parce qu'il va te comparer avec Pierre qui aurait dû faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire ou qu'il n'a pas fait. Non, il va t'honorer parce que lui va déclarer ce que tu as fait, c'est bon. Ce n'est pas par rapport aux autres que tu vas te comparer, c'est par rapport à une déclaration que Dieu va faire sur ton compte. Quand vous étiez petit enfant, votre papa venait vous voir et il vous disait « Hey, ça, j'aime ça ce que tu as fait. » Peu importe ce que c'était quoi l'objet. Bien souvent, les parents, ça fait juste critiquer. « Oh, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire mieux que ça, t'aurais pu faire de même. » On a la critique facile, des fois, comme parents. Mais ça arrivait des fois que mon père, il était content de ce que j'avais fait. Puis c'était pas parce que mon frère avait pas fait ou fait quelque chose. Comprenez-vous? C'est le genre d'honneur-là que Dieu veut nous donner. Et c'est normal de mettre dans sa vie de croyant ou de saint, de marcher par la foi, à mettre un point d'honneur à faire ce que Dieu dit. Quand la Bible dit, par honneur réciproque ou par honneur faites telle chose, c'est qu'elle va vous faire garder au moment où Jésus va revenir. C'est un choix que vous devez faire. Notre ami Justus illustre ce fait-là. Vous allez voir, bien malgré lui, mais en même temps, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il a pris comme décision dans sa vie. Fait que le sujet ce matin, est-ce que votre motivation première dans la vie, c'est d'être honoré par les hommes ou être honoré par Dieu? On va essayer de rester sur ce thème-là tout le temps. Romains 2, 7. Avant de lire ce qui concerne Justus, on va lire 2 passages qui nous illustrent ce passage-là. Romains 2, 7. Je vous laisse une minute pour le trouver. Moi, je n'irai pas tout le contexte. Vous le lirez vous-même. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est une race de monde qui existe, ça. Une race qu'on appelle les croyants. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. À quelque part, ça fait partie du plan de Dieu d'honorer ses enfants. 1 Pierre 1,7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, hein, les médailles d'or des Olympiques, qui cependant est éprouvée par le feu. Pour avoir de l'or, il faut l'éprouver par le feu. Il faut brûler toutes les impuretés, faut les enlever. Plus précieuse, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. L'épreuve de votre foi en vue de la gloire, de l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. La louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Quelque chose, hein? Fait que la question qu'on peut se poser, de quelle façon Dieu honorera-t-il ceux qui, par la foi, cherchent l'honneur, la gloire et la louange quand Jésus va apparaître? Là, je vais faire un jeu de mots. Je crois justement que c'est pour illustrer cette promesse que Dieu révèle le nom de justice dans les Écritures. Jeu de mots. Mais justice, ça ne veut pas dire justement, ça veut dire juste. Fait que Colossiens, allez les enfants, là, tenez vos oreilles ouvertes. Parce que là, ça va être des questions plus faciles. J'espère. Tu peux mettre Colossiens. Omar, tu peux mettre Colossiens, c'est vrai. Tu joues? Sur le bouton vert? Colossiens, on va lire Colossiens 4, du verset 7, là, aller jusqu'au verset 11. Tychique, le bien-aimé et frère, bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Rebecca, c'est quoi les deux noms de celui qu'on y, on va regarder le matin? OK. Elle m'avait dit la dernière fois, elle dit, pourquoi tu m'as pas posé de questions? Comment il s'appelle le monsieur qu'on va regarder ce matin? Il y a deux noms. Tu peux m'en donner juste un si tu veux. Il s'appelle Justus. Il y a un deuxième nom. Non, il s'appelle un nom que tu connais encore mieux qu'Épaphras. Ah, qui a donné la réponse, Mathias? C'est beau! Est-ce que c'est le Jésus, le même nom que Jésus qu'on connaît? Les adultes? C'est la même écriture, la même graphie. Fait que quand vous parlez de Jésus-Christ, notre Seigneur, et vous parlez de Jésus appelé Justus, c'est le même graphie. Ça s'écrit de la même manière. Donc, c'est Jésus en grec, Yeshua en hébreu. Vous avez le nom Josué dans l'Ancien Testament qui d'où origine le nom Jésus, là. OK? Jésus en grec. Et ça veut dire l'Éternel est salut ou l'Éternel sauve. C'est intéressant que Jésus, appelé Justus, n'a pas gardé son nom d'origine. On le connaît plus, vous allez voir l'autre verset qui cite Justus, et il ne parle pas de Jésus. Et Justus, ça veut dire juste. On ne sait pas. Beaucoup de personnages dans les Écritures ont deux noms. Vous avez juste à penser à Simon, Pierre, Céphas. Hein? Jésus il a donné même son deuxième nom, Céphas, qui est devenu Pierre en grec. Là. Vous avez Matthieu, Lévi, qui est devenu Matthieu. Vous avez Jean, Jésus, il les appelle les fils du tonnerre, Boanerges, mais on n'entend pas le Marc. Jean, surnommé Marc. Non, c'est ça, Jean surnommé Marc. Marteau, hein? C'est ça que veut dire la signification de Marc, marteau. Puis, vous en avez plusieurs comme ça dans les Écritures, là, ils ne me reviennent pas tout en mémoire, mais sûrement vous allez penser à quelques-uns. Paul, hein? Ouais. Jacob, Israël. Puis, vous avez aussi celui que je viens de citer, là. Hein? Saül, Paul. Mais il paraît que les deux sens, Saül, les deux prononciations réfèrent à la même chose. C'est demander à Dieu. Et si vous vous rappelez, le roi Saül, le peuple a demandé à Dieu. C'est intéressant que Dieu appointe des hommes avec des noms prophétiques. Paul, savez-vous ce que ça veut dire? Petit enseignement secondaire, ça veut dire petit. Ça va dans le sens de sa vie, hein. Il a jamais, il dit, je suis le plus insignifiant des croyants parce que j'ai persécuté l'Église. Ben, il dit pas tout à fait le mot insignifiant, là, mais. Hein? Mais Justus, il a pas gardé, il se fait connaître sur le nom de Justus au lieu de Yesu. Peut-être que sa conversion l'a influencé. C'est un peut-être. Il n'y a pas de certitude là-dessus. Fait qu'il faut le voir comme un peut-être. Peut-être que, moi, il me semble comme croyant m'appeler Jésus, là. J'aimerais changer de nom. D'ailleurs, mon nom à moi, Christian, je le trouve fatiguant un peu. Souvent, je dis aux gens, si tu veux te souvenir de mon nom, pense à ton sauveur, mais avec un diminutif, un gros diminutif à côté. J'aimerais pas ça m'appeler Jésus, je vous le dis franchement, là, parce que je veux pas être à la place de celui qui me sauve. Vous comprenez le point? En tout cas, moi, ça me ferait ça. Je sais pas si vous autres, vous aimeriez ça. Bon, on peut le voir aussi comme, bon, je porte le nom du sauveur, mais j'aime mieux le laisser, j'aime mieux que ce nom-là soit réservé à Jésus-Christ et non pas à... Comme moi, j'aimerais mieux ça. Je sais pas comment vous êtes, vous autres, vous avez ça, là. Maintenant, on relit le verset de Justus dans Colossiens. Jésus, appelé Justus, vous salue. Qu'est-ce qui fait Sarah-Ève, Justus en premier? Il salue qui? L'Église? De Colosse qui a recevoir la lettre. Jésus-Christ vous salue. Justus. Jésus, appelé Justus, vous salue. Vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis. Qu'est-ce que ça veut dire, ce concis, les enfants? Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Une grosse question, hein? Qu'est-ce que, qui ça désigne, ça, les circoncis? Mélina. Ça désigne les Juifs. Mais particulièrement ici, là, dans le contexte, c'est pas n'importe quel juif, c'est des juifs qui... Yvan. Ouais, ça, tu décris l'opération. Puis c'était les hommes ou les femmes? Les hommes, OK. Mais ça ne dit pas... Parce que les circoncis, il y avait deux sortes de circoncis. Il y avait des circoncis qui, puis des circoncis qui ne faisaient pas. Non, quand la parole de Dieu utilise ici le terme circoncis dans ce verset-là, elle veut dire les circoncis, ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui suivent Jésus-Christ. Les circoncis, il y en a d'autres circoncis qui sont des Juifs, tout simplement, mais qui ne marchent pas avec Christ. Ils ont les deux autres. Ils sont circoncis des deux bords. OK? Mais ici, là, quand l'apôtre il dit aux Colossiens qui sont des païens, hein, la plupart, là, il leur dit ils sont du groupe des circoncis. Puis là, il va dire d'autres choses après, là. On va y venir, là. Les Juifs croyants qui ont persévéré avec lui. Regarde le reste du verset. Les seuls, qui ça, les circoncis? OK? Les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. Connaissez-vous, est-ce qu'il y a des Juifs qui n'ont pas travaillé pour le royaume de Dieu en temps de Paul? Il y en a plusieurs. La grande majorité ont rien voulu savoir de Jésus-Christ. Ouais. Le nom de Jésus réfère à un juif ici. Là. C'était pas un nom païen, ça, là, Jésus. C'était un nom juif. L'Éternel est salut. Ça va pour ça? Savez-vous que le nom de Jésus, il y a seulement 4 personnes qui ont porté ce nom-là dans les Écritures. Il y a eu plus de Jésus que ça. Il y en a même encore aujourd'hui qui s'appellent la même. Dans d'autres, chez les Philippins, entre autres, des affaires comme ça. Les gens de langue espagnole, il y en a quelques-uns, je crois. Mais dans les Écritures, on en a seulement que 4. Il y a Josué. Il y a un ancêtre de Jésus-Christ dans sa lignée qui est cité. Jésus lui-même, c'est sûr que Jésus-Christ, Jésus, là, il ramasse à peu près toutes les citations de la Bible avec le nom Jésus. Josué, ben là, dans l'Ancien Testament, vous allez avoir beaucoup de citations avec le nom Josué. Et vous avez Justus. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Moi, je pensais qu'il y en avait plus que ça, mais il n'y en a pas tant que ça. Bon, de quel groupe Justus fait-il partie? Il fait partie, on l'a dit tout à l'heure, le mot les enfants. Il fait partie de quel groupe? Les circoncis. Et l'apôtre va dire les seuls. C'est ça aussi, les seuls. Vous savez, Justus, c'est pas grand-chose, mais c'est cette déclaration-là, moi je la trouve pleine de sens. Les seuls qui aient persévéré avec moi. Maintenant, c'est pas juste Justus ici, là, dans la déclaration, c'est tous ceux qui ont été cités avant et d'autres qui sont pas nommés dans la lettre aux Colossiens. Les seuls qui ont persévéré avec moi. Pour le royaume de Dieu, hein, c'est ça? Et qui étaient pour moi une consolation. C'est pas n'importe qui, là, Justus, c'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe de croyants juifs qui ont persévéré avec l'apôtre, pour l'avant du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'avancement du royaume de Dieu? Proclamation de l'Évangile sur terre. Parce que le royaume de Dieu, c'est pas un royaume avec des soldats, puis des fusils, puis des baïonnettes. Pas sur terre. Le royaume de Dieu est dans les cœurs. Et c'est là-dedans qu'il prospère. La racine du royaume de Dieu est dans les cœurs des croyants, de ceux qui se convertissent à Christ. Et Justus est un des circoncis qui a participé à cet avancement-là. On va le voir tout à l'heure un peu plus avec l'autre citation qu'on a de lui. Et l'autre point qui termine le passage dans Colossiens, qui a été pour moi une consolation. À quoi ça vous fait penser? Pourquoi c'est une consolation pour l'apôtre plus et d'autres circoncis? Soit une consolation pour l'apôtre. Ça, il faut vous penser à un passage dans l'Épître aux Romains. où l'apôtre exprime son sentiment vis-à-vis sa nation. Ça ne vous réveille pas vos neurones? Pour ses parents, selon la chair, les Juifs. J'ai une tristesse continuelle dans le cœur. Je serais prêt à être même anathème pour Christ, pour que mes parents, selon la chair. Qu'est-ce qui console l'apôtre? C'est qu'il y en a quelques-uns qui ont véritablement cru en Jésus-Christ et qui persévèrent dans l'avancement du royaume de Dieu. Êtes-vous d'accord? C'est dans Romains, je cherche la référence, je l'ai donné tout à l'heure, c'est Romains 9. La référence exacte, je ne l'ai pas. Attends un peu, je l'ai ici. 9, 1 à 3. OK? La consolation vient de là, mais c'est la même chose aujourd'hui. Comme croyants, on n'est pas nombreux sur cette terre. Et quand quelqu'un persévère dans le royaume de Dieu avec nous, qui se convertit et qui persévère, quel encouragement c'est! Quel encouragement c'est! Et l'inverse aussi, c'est un découragement. Quand il y en a un qui fait profession, mais pas ça qui se retire en arrière, ça a un petit effet de découragement pendant un certain temps. C'est sûr que notre foi n'est pas là-dedans, là. Mais imaginez-vous au temps de l'apôtre Paul, les circoncis étaient pour lui un sujet de consolation, ceux qui persévéraient avec lui. Ça va? Oui. Oui. Oui. Mais l'apôtre ne pense pas juste à ceux qui sont autour de lui, là. Il y en a plusieurs qui ne sont pas cités. Silas n'est pas cité ici dans l'Épître aux Colossiens. C'est un homme qui a persévéré jusqu'à la fin. Il y en a plusieurs Juifs qui ne sont pas cités là. Il parle de ceux qui, lui, évidemment, qui connaît, puis qui ont persévéré dans l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est un sujet de consolation. Fait que, la même chose pour nous. On pourrait dire, il n'y a pas beaucoup de monde. On peut en même temps voir ça de l'autre côté, dire, c'est un sujet de réjouissance. C'est sûr que les gens ici ne sont pas partis pour toujours. Là. C'est juste qu'il y a des vacances, tout ça. Mais des fois, on est dans des situations où on doit voir que ceux qui persévèrent, ce sont des sujets de consolation. Et c'est vrai aussi dans les ministères, quand on est épaule contre épaule pour accomplir quelque chose, quand on persévère avec toutes les embûches que le diable peut mettre sur nos routes, on persévère quand même par la foi. C'est aussi un sujet de consolation. Maintenant, on va aller à l'autre verset, Actes 18, 7. Je vais avoir une autre question pour les enfants, là. Écoutez bien. Et sortant de là, il, c'est l'apôtre Paul, entra un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Contiguë, ça veut dire adossé, mur à mur, si vous voulez, avec la synagogue. Ici, on parle de maison, de bâtiment. Ça va? Elle était où la maison de Justus, les enfants? À côté de la synagogue, hein? C'est ça que tu dis, Sarah? Tu peux parler plus fort, hein? Est-ce que... Puis, c'est quoi le témoignage qu'on dit sur Justus? Je vais vous le relire, le verset, là. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu. Et dont la maison était contiguë à la synagogue. Qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui caractérisait ce Justus-là? C'était quoi sa qualité? Il... Il y a plusieurs enfants ici. C'est bon. Je veux les faire participer, parce que il me semble que c'est plus intéressant quand ils... Pas tout le temps facile d'avoir des questions pour enfants, là, mais... surtout quand on est souvent à la dernière minute. Bon, nous autres, on va le regarder aussi. Dans quelle ville se trouve la maison de Justus, selon ce passage-là? Pas selon ce passage-là, il faut vous aller 6 versets avant, là, pour le savoir. Corinthe. Donc, c'est au moment où l'apôtre arrive à Corinthe. Puis les premiers temps qu'il va être à Corinthe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enseigner chaque sabbat dans la synagogue. Vous êtes d'accord? Il va enseigner là jusqu'à, et là je vous laisse compléter, jusqu'à ce que les Juifs, hein? Johan est radical, il s'est fait mille ors, bang. C'est presque ça, Johan. Il va enseigner là jusqu'à ce que les Juifs fassent des embûches, commencent à l'injurier. Imaginez-vous, là, j'enseigne ce matin, ils vont se lèvent, ils commencent à m'injurier. Je sais que tu ferais pas ça, ils vont le dire. Mais c'est ça qui s'est passé. Mais là, ça sera pas au micro, là. Ça devait se passer autrement qu'à nous autres, là. Mais ce serait similaire. Et qu'est-ce que fait l'apôtre? Il va entrer dans la maison de Justus, qui est contiguë à la synagogue. Vous êtes d'accord? Donc, il a pris une décision aussi consciente d'aller chez quelqu'un qui allait l'accueillir. Et quelle est la caractéristique de cet homme-là? C'est un homme craignant Dieu. Et définitivement un juif. Pour avoir une maison adossée à la synagogue, vous savez comme moi, il y a des quartiers juifs, puis les synagogues, mais c'est autour des quartiers juifs. C'est pas placé au milieu de nulle part, surtout pas à cette époque-là. Donc, c'est un juif. Justus, ici, est un juif. Oui. C'est allé au début, puis si tu l'es un peu plus loin, il va passer combien de temps à Corinthe? Un an et demi. Qu'est-ce qui va arriver à Corinthe? Il va avoir l'écriture de deux lettres qui vont arriver après, pendant que l'apôtre va être à Éphèse. Donc, il a été enseigné, Justus, là. Bien entendu. Mais on a un autre élément avec Justus. Et ça, il faut combiner deux choses. Priscille et Aquila, ils ont été rencontrés en même temps que Justus, ou à peu près dans les mêmes temps. Ils venaient d'où, eux autres? Ils arrivaient de Rome. Pourquoi ils arrivaient de Rome? Parce qu'il y a un empereur qui s'appelle Claude, pas Jean-Claude, mais Claude. Il m'aimera pas Jean-Claude quand tu fais écouter ça. Il s'appelle Claude, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a foutu dehors les Juifs de Rome. Il a foutu de Rome, il a foutu dehors les Juifs de Rome. Et Priscille et Aquila sont allés à Corinthe. Ils vont passer quelques années à Corinthe. Après ça, ils vont suivre l'apôtre à Éphèse, et à un moment donné, l'interdiction d'habiter Rome va tomber, probablement avec la mort de l'empereur, Claude. Ils vont rentrer à Rome. Pourquoi je dis ça? Quand vous regardez les salutations de l'Épître aux Romains, c'est écrit à Corinthe, pendant le troisième voyage de l'apôtre à Corinthe. Et il va saluer Priscille et Aquila, qui sont déjà retournés à Rome. Justus, c'est peut-être, fait peut-être partie de ceux-là. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est à Rome qu'on le retrouve dans l'Épître aux Colossiens. Il est à côté de l'apôtre en prison à Rome. Donc, il a eu un ministère pendant un certain temps à Corinthe. Et il est retourné après ça. Maintenant, est-ce qu'il s'est converti sous le ministère de l'apôtre Paul? Il n'y a rien qui le dit. Il n'y a rien qui dit ça. Comprenez aussi que ce que je vous explique là, c'est pas une certitude absolue parce que on n'a pas beaucoup d'informations sur Justus. Mais il y a des grosses possibilités que ce soit ça parce que c'est à Rome qu'on va le retrouver aux côtés de l'apôtre. Il va aller aider l'apôtre en prison pendant qu'il est emprisonné. Puis c'est pour ça qu'il fait partie des salutations du chapitre 4 de Colossiens. Ça va pour ça? Ça fait que Priscille et Aquila, il n'est pas dit non plus que ce soit des convertis de l'apôtre Paul. On a toujours l'impression de ça, mais rien qu'il dit dans le texte, dans le livre des Actes qu'on est en train de regarder. La même chose pour Justus. On dit simplement que c'est un homme qui craignait Dieu. Donc, c'est peut-être des gens, peut-être des Juifs, qui se sont convertis lors de la Pentecôte. Ils venaient de Rome, ils étaient allés adorer à Jérusalem. Pendant ce temps-là, la Pentecôte a lieu et ce sont des gens qui se sont convertis. Ou c'est des gens qui sont retournés à Rome et qui leur ont parlé de Jésus. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ils ont connu Christ. Est-ce que c'est sous le ministère de l'apôtre Paul? Pas sûr. Mais la parole de Dieu dit dans le livre des Actes que c'est un homme craignant Dieu. Ça va? Pourquoi c'est un homme craignant Dieu, notre ami Justice, à partir de Actes? Des bonnes questions, hein? Non, mais... Je vais vous donner deux scénarios. Mettons que Paul sort de la synagogue après qu'il vit des oppositions, puis il vient pour rentrer chez Justice, vous allez, il vient pas faire une autre, là, les Juifs vont manger tout rond. Ou, scénario qui est dans les Écritures, Paul sort de la synagogue parce qu'il y a de l'opposition, etc. Et il entre dans la maison contiguë de Justus. Et Justus l'accueille. Pourquoi c'est un homme craignant Dieu? C'est pas la seule raison, mais c'en est une. Et, regarde. On va lire dans Jean, vous allez comprendre encore mieux. Tournez dans Jean 9, 21, 22. Là, c'est des parents d'un aveugle que vous allez vous rappeler l'histoire. Un aveugle né que Jésus a guéri. Et là, l'aveugle a été mené devant les pharisiens. Puis là, les pharisiens le questionnent de tous bords, de tous côtés. Ils font venir ses parents. Regardez la réponse des parents. Et les parents, là, mais je commence à 21, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qu'il concerne. Ses parents dirent cela parce que ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de quoi? Intéressant. Vous remarquez que Justus n'a pas fait ça, lui? Il a accepté d'être rejeté par les Juifs. Pensez-vous que les Juifs ne l'ont pas rejeté? Si vous lisez dans Actes, le passage qui parle de Justus, vous lisez un petit peu plus bas, vous allez voir, à la fin du séjour, là, ils vont battre Sostène, qui était chef de synagogue, parce que lui, s'est associé à Paul et à Jésus-Christ. Et Sostène, c'est un des auteurs de l'Épître aux Corinthiens, du premier épître. Rappelez-vous, Paul et Sostène. Donc, c'est un frère juif qui a cru au Seigneur Jésus, qui s'est identifié à lui à un point tel d'être battu par ses propres co-religionnaires, pour s'identifier à Jésus-Christ. Donc, un homme craignant Dieu, c'est un homme qui n'a pas peur de s'identifier à ceux de sa race, c'est-à-dire les croyants, les saints, les enfants de Dieu. Comment ça? C'est pas la seule caractéristique d'un homme qui craint Dieu, vous allez me dire. C'est vrai. Un homme qui craint Dieu aime aussi sa parole. Aime Jésus-Christ, aime les enfants issus, tu sais. Mais il fait aussi ça. Ça fait partie du package. Vous ne pouvez pas enlever aucun des éléments de ça. Mais si, c'est cet élément-là qui est souligné, c'est Justus. Maintenant, il y a un autre passage qui va vous faire réfléchir dans le même sens. Jésus a dit en Marc 8, 38, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire. » Il y a un autre passage dans Luc que je ne vous lirai pas pour économiser un peu de temps. Donc, ici, Jésus associe les gens qui vont avoir honte de lui à un déshonneur quand il va revenir. C'est le contraire de ce qui se passe pour Justus, vous êtes d'accord? Fait que si je résume, de quelle façon Justus a-t-il servi Dieu pendant qu'il était à Corinthe? Pendant une année et demie, il a entendu l'enseignement de l'apôtre Paul. Okay. Il a lu et médité probablement les deux épîtres aux Corinthiens. On ne sait pas quand est-ce qu'il est retourné à Rome. Il n'a pas eu peur d'être associé à Paul ni aux saints qui annonçaient l'Évangile, ni aux autres saints de Corinthe, au prix même d'être rejeté par sa communauté juive. Donc, il n'a pas eu peur de s'identifier. S'identifier à Jésus-Christ, c'est s'identifier d'abord à ceux que Jésus, aux autres que Jésus utilise dans différentes circonstances. Aujourd'hui, bien, c'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes temps que ça, mais c'est la même chose. Quand vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez accepté d'être identifié à ceux que le monde ne considère pas. On n'est pas considéré par le monde. Si Dieu ne fait pas un miracle, vous n'irez pas vous asseoir devant la télé, puis on va vous questionner pour vous dire que vous expliquez votre foi. Puis si vous allez le faire, la plupart des gens vont vous ridiculiser, vont vous mépriser, etc. C'est ça. Mais, c'est une chose, comme justice. On a en vue la gloire et l'honneur que Dieu nous réserve quand Jésus revient. Et ce n'est pas mal de penser qu'un jour Dieu va honorer ses enfants. Ce n'est pas mal. Au contraire, c'est une bénédiction. C'est même attendre l'avènement de Jésus-Christ avec foi. L'inverse, c'est aussi, corollaire inverse, si j'attends pas Jésus-Christ, ben quelque part, j'ai mis de côté l'honneur que Dieu va me donner un jour pour rechercher l'honneur des hommes maintenant. De Timothée 4, 6, 8. Là, on revient sur l'apôtre Paul. L'honneur est pour vous qui croyez. Excusez-moi, je suis pas à bonne place. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est quoi une couronne? On met ça sur la tête de qui, ça, une couronne? Je suis quelqu'un qu'on veut déshonorer? À moins de mettre une couronne d'âne, non? Ici, c'est pas le genre de couronne-là qui est le sujet, hein? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et c'est l'apôtre Paul qui prononce ça de son vivant avant de... Il va mourir quelques mois après, ou quelques jours après, ou quelques semaines après, je ne sais pas. Mais il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et toute sa vie, il n'a pas été parfait dans sa vie de croyant, mais toute sa vie, il s'est fait un point d'honneur à servir Dieu. Comment? En servant le peuple de Dieu, en servant Jésus-Christ, en servant n'importe quelle manière. En persévérant par la foi, en le faisant. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, son avènement. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, aimer l'avènement de Jésus-Christ, désirer l'avènement de Jésus-Christ, c'est désirer le jour où Dieu va t'honorer. Comment Dieu a honoré Justus dans les Écritures? Hein? Son nom. Bon, Justus, c'est un cas à part, parce que c'est pas tous les croyants du premier siècle qui ont été honorés par leur nom dans les Écritures, mais c'est un exemple. Imaginez-vous, là, le Justus qui est là, là. On connaît ses qualités, on sait que c'est un homme que Dieu honore. Il a mis son nom dans les Écritures. Très peu de gens au premier siècle l'ont connu, mais tout le monde après, là, qui ont lu les Écritures, regarde, ils connaissent. En tout cas, ils ont la possibilité de le connaître. Ils n'ont peut-être pas réfléchi comme nous sur ce qu'on fait matin, mais ils ont la possibilité de le connaître. Et Dieu a révélé son nom. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont été révélées dans les Écritures, qui ont un nom pas trop enviable. Judas. Hein? Athalie. Toutes des gens qui ont cherché la gloire des hommes avant de chercher la gloire de Christ. La gloire de Dieu, en Jésus-Christ. Hein? Ananias. Jézabel. Même parmi les croyants, là, Ananias, Saphira. Pas drôle, lui. Ils sont connus, eux autres aussi. Pas pour un bel acte. Ils se sont fait ravir le prix de la course. Soyons pas. On a plusieurs exemples comme ça à ne pas suivre. Il va dire, Saint-Tiche, oui, ben, il était exhorté à ne pas aller dans cette direction-là. Hein? Dans l'Épître aux Philippiens, j'exhorte, il va dire, Saint-Tiche, à tenir un même langage. Parce que si vous persévérez à avoir un langage différent ou opposé, vous n'honorerez pas Christ. Fait que l'exhortation arrive. On ne sait pas ce qu'ils ont fait après, là, mais l'exhortation arrive avant. Il fait trop de choses. Donc, c'est pas mal. Justus n'a pas cherché à avoir son nom écrit dans les Écritures. Il n'a pas demandé à personne, « Hey, cite mon nom dans les Écritures, j'ai besoin que je veux qu'il s'en souvienne après. » Non! Il n'a pas fait ça, c'est Dieu qui l'a fait pour lui. Ben, dans le cas d'Actes, dans le cas de l'Épître, il est juste là, puis lui, tout ce qu'il veut, c'est transmettre, en passant. Nous, on a une fâcheuse manière d'aujourd'hui, on dit à quelqu'un, on est au téléphone, ben, « Tu salueras ta femme, là? » Puis, on ferme la ligne. Puis là, le mari qui reçoit l'affaire, ben, il oublie de le dire à sa femme. Puis... Hein? Ça arrive pas, ça. Hein? Moi, ça arrive là chez nous, ça. Mais à cette époque-là, là, se saluer, c'était quelque chose de très prenant. T'sais, on faisait pas ça à la légère. Fait quand Justus, dans l'Épître aux Colossiens, dit qu'il salue l'Église à Colosse, il est impliqué. Dans spirituellement avec eux. C'était pas marque mon nom dans une salutation, là, je suis à côté de toi, puis il dit là. Non, il était intéressé par ce qui se passait à Colosse. C'est une salutation qui avait une profondeur. Et vous ferez une recherche sur les salutations, saluez-vous par un saint baiser, il y en a plein là, dans les Écritures, il y en a au moins 4 que j'ai vu là, rapidement. C'était sérieux. C'était dans le sens, il y a une affection profonde pour vous. Ça fait que, si je suis arrivé à la conclusion, vous avez fini de souffrir, Jésus, appelé Justus, s'est fait un point d'honneur de travailler à l'avancement du royaume de Dieu en persévérant avec l'apôtre Paul. À la manière que Dieu a voulu pour lui à cette époque-là. On ne connaît pas tout lorsqu'il a fait, là. On sait que très peu de choses. Mais on sait une chose, c'est qu'il l'a fait. Il a fait un point que Dieu dit, c'est un homme craignant Dieu, c'est un homme dont je suis fier. C'est un enfant de Dieu dont je suis fier. Vous voyez que la louange ne vient pas des hommes. Ce n'est pas l'apôtre qui le loue. L'apôtre est l'écrivain de Dieu là-dedans. Puis il écrit cette chose-là, puis on voit que c'est Dieu qui nous communique ce message-là. Donc, recherchons ce type d'honneur-là, par-dessus tout. C'est sûr qu'en le faisant, vous allez vous faire des points d'honneur de faire des choses, même dans le secret, que personne ne va savoir, que juste Dieu va savoir. Hein? Prenez juste l'exemple des dons. Hein? Quand vous faites un don, que votre main gauche ne sache pas ce que votre main droite fait. Si vous donnez parce que vous espérez une louange des hommes, dans le fond intérieur, ça tire des fois. Hein? On donne un bon montant. Mais c'est pas ça que le Seigneur veut que je fasse. Il veut que je... C'est moi qui le vois ce que tu fais. Occupe-toi pas du reste. Occupe-toi pas du reste. Regarde à l'avènement qui s'en vient. Si vous servez le Seigneur, puis ce que vous faites, c'est pas tellement valorisant, ça a de la valeur au prix du Seigneur. Elle a énormément de valeur aux yeux du Seigneur. Fait que Dieu a déjà honoré la mémoire de Justus, mais je dirais partiellement encore. Un jour, il va l'honorer au retour de Christ. Et il va avoir la couronne de justice. Savez-vous ce qu'on va faire avec cette couronne-là? On va tellement être abasourdi que Dieu nous honore, qu'on va prendre notre couronne, on va dire, Seigneur, c'est toi qui la mérite. Puis là, on va avoir quelque chose à y donner. Mais il va nous avoir honoré pareil. Vous comprenez? 1 Pierre 2,7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Est-ce que mon doigt vous pointe tous? Peut-être qu'il y en a un qui ne croit pas ce matin. Vous avez la possibilité de devenir des croyants. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, devenue la principale d'âme. Pour qui l'honneur est? pour ceux qui croient. Donc, ayez les yeux fixés sur l'honneur quand vous faites quelque chose. Et si en cours de route, il y a des difficultés, des épreuves, on est là pour s'entraider à persévérer dans les épreuves, pas pour vous retirer votre couronne, de la faire à votre place, pour que vous persévériez dans vos épreuves à le faire. Je dis, on est là, tous ensemble. Moi, ce que je m'attends de mon frère Benoît, c'est quand moi, j'ai envie de me retirer en arrière, qu'il vienne me botter de l'arrière. T'as peut-être de plus en plus de misère à le faire, là, mais comprenez-vous le point? Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y en a plein d'encouragements, je ne peux pas tout vous les lire ce matin. Et lorsque le souverain pasteur, 1 Pierre 5,4, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Apocalypse 3,11, ça parle à une église. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Fait que, quel est ton véritable point d'honneur? Je vais vous lire Philippiens. C'est l'apôtre qui parle de lui-même. Regardez ce qu'il dit. Philippiens 3. Verset. On va lire juste verset 12 à 14. Quel est ton véritable point d'honneur? C'est ça que tu dois te poser comme question. C'est là, quand je dis ton véritable, je me dis notre véritable point d'honneur. Ce n'est pas que j'ai déjà porté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Tâcher de le saisir, excusez, parce que c'est le et non pas là. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Avez-vous été saisi par Jésus-Christ un jour dans votre vie? Chacun répond personnellement. Si vous avez été saisi par Christ un jour dans votre vie, faites partie de cette gang-là. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et ce qui est en avant, c'est le retour de Christ, c'est l'avènement de Jésus-Christ. Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Fait que ce matin, s'il y a une chose que vous pouvez retenir de ce qu'on a vu à travers l'exemple de Titus. Et Titus était Justus. Il a commencé à l'appeler Titus à un moment donné, puis ça est resté, ça revient tout seul. Justus, s'il y a un exemple à retenir de lui, c'est qu'il a travaillé dans ce sens-là. Évidemment, il y avait un motivateur épouvantable autour de lui qui s'appelait l'apôtre Paul. Tout un motivateur, ça. C'est une vraie charrue. Ça traîne. T'es en arrière, puis tu t'accroches après le camion, puis tu suis. Puis, il t'emmenait dans des chemins que, m'a dire, le port des collaborateurs de Paul, j'en viens pas ce qu'ils ont fait. Un gars comme Timothée, c'était peureux comme tout, c'était gêné, c'était jeune, pas d'assurance en vie. Hey, l'apôtre, il a fait faire des choses que ben d'entre nous, à commencer par moi, a eu de la misère à faire. Hein? Timothée, la semaine prochaine, avec notre frère Benoît. On va apprendre plein de choses là-dessus. Donc, retenons ça, hein? Courons avec persévérance pour ce point de gloire-là. Et c'est pas de la gloire d'homme, c'est Dieu qui va simplement dire bon et fidèle serviteur. Si Justus nous fait comprendre ça ce matin, et Dieu l'a honoré dans les Écritures partiellement, puis on le connaît, tous les croyants qui sont venus après lui le connaissent. Il existe cette personne, un frère qu'on va passer l'éternité avec. Puis il ne se pètera pas les bretelles au ciel parce que Dieu l'a honoré. Je suis convaincu de ça, mais il va être heureux de cette couronne-là. Comme du reste, d'ailleurs.